Hey hop, et un autre style de vie, celle qu'on mène ici. Sur cette piste de danse plein de sang comme Jackson, la vie est pleine de si, la mort en sursis. Mais qui détient les clés du bonheur, je crois personne. Y'a trop de corps évidés de leurs âmes, par constance à consistance, la bêtise comme une femme. Sourire vulgaire, c'est là par à l'apparence prime d'abord. Infernal au premier abord, décalé avec le réel, le mal t'entraîne. Un combat introspectif et t'enlève tes chaînes ghetto gothique. Parce qu'on mène une vie baroque, tu vis en caille, on parle de zones et tu fais dans ton froc. Tu veux t'en sortir, tourne-toi vers l'est. Ainsi ton âme bestiale moleste. Et juste avec les miens, je parle en frère et en sœur. Fais attention à ne jamais briser les cœurs. Combien de make love, disais-leur même tu seras ma femme, je t'aime. Sur deux, aucun problème, y'aura pas de blême, irène. Tout l'amour, un stop, et se casse la figure, une théorie. La certitude. Prenez certains dans ce bas monde et c'est une certitude. Demain ceci, l'année prochaine cela, allez arrête. Faire des projets ok mais j'ai pas d'en être sûr. Je le déconseille, j'en mets, sera la chute. En cas d'échec car dans la vie y'en a. En parlant de vie ça c'est le pire dans l'incertitude. Combien on dit demain on se voit et finalement rien. Tu vois rien mais tu entends que la personne est plus, c'est ça la vie. Rien n'est certain, tout est bancal et caduque avant et tout s'écroule. Tout ne tient qu'à un vœu, la corde est sensible. Sois sûr de rien, sauf de la mort. J'ai rien à dire sauf que j'ai vécu une longue ma vie. Rien n'est fait tant que tu peux pas encore dire je fuis. Donc agis, longue vie c'est juste à toi ce qu'on fuit. Rien n'est certain, pour des mecs qu'on rien remarque. On donne jamais à ceux qui ont vraiment besoin. Alors faut bouger pour avoir, tu restes assis comme d'hab. Quand t'as rien, juste du chien et tu pleures ta race. Facile d'être un délinquant au lieu d'être honnête. Jouer les shows pour des punks, c'est pas dans mon concept. Pour saisir le texte, faudrait que tu penses un peu. Rap conscient, les bouffons disent sauf qui peut. Mais moi, j'épargnerai seulement ceux que je veux. Tout nous échappe, mais y'a le libre arbitre. Plus jamais la phrase au contrôle sera dans mes dires. Après le mouvement de libération des femmes, Belmel, MLF 2000 en force unie. Pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Mafia, vos propagandes, mais les cinq gangs. Une bande de durs, des militantes, des Mafia. Caractère de chien, on s'immisce pas comme ça. Y'a un examen de passage, le profil type d'une meuf qui se laisse pas faire. Comportement passage. Mafia du caractère, un objectif, un but. Censé réfléchir, censé changer l'image de la femme sans salaire. Près le pouvoir, on se doit. Revaloriser notre état. Déjà comme ça je sens un malaise bizarre à notre égard. Que ça blesse pas, je veux bien mais que ça en reste là. Qu'on n'aille pas jusqu'à dire que ton domaine n'est pas le mien là. Et le problème certains s'approprient c'est à croire qu'il existe un profil type du petit gueule, du super MC type. Faut arrêter les préjugés à notre sujet. Faut se réveiller, faut réagir, faut se bouger. Trop de monde et de défendu est interdit. Y'a des femmes pêle-mêle unies pour le même combat. J'viens du ghetto gothique où on tue pour la narcotique. Sur 10 on est 5 à vendre du shit, 5 à vendre la cam, c'est simple. Critique pas notre mode de vie. Face aux flics on brise leurs vitres pour qu'ils évitent de trop traîner dans la cité. Moi je traîne qu'avec ma KNC. Elle achève trop de cam et sniff la CC. Est-ce qu'un jour je serai traîné dans les cages d'escalier, fumer, boire le whisky sans que personne ne sache. Risquer ma vie dans des embrouilles entre cités voisins. Je reste voyou, voyons. Pourquoi n'ai-je pas choisi le din à la vie de rue, Matteo Falcon, je reste din. Mon avis d'une vie de Kaira, du neuf. Ghetto gothique, on vient du neuf. Et on se rend compte, Matteo Falcon. On est de la Kaira, du neuf.